Bien souvent je revois sous mes paupières closes. Dit par Vincent Planchon pour audiocité.net. Bien souvent je revois sous mes paupières closes la nuit, mon vieux moulin bâti de briques roses, les cours tout embaumés par la fleur du tilleul, ce vieux pont de granit bâti par mon aïeul, nos fontaines, les champs, les bois, les chères tombes, le ciel de mon enfance où volent des colombes, les larges tapis d'herbe où l'on m'a promené, tout petit, la maison riante où je suis né, et les chemins touffus, creusés comme des gorges, qui mènent si gaiement vers ma belle Font-Georges, à qui mes souvenirs les plus doux sont liés. Et son sorbier, son haut salon de peuplier, sa source au flot si froid par la mousse embellie, où je m'en allais boire avec ma sœur Zélie, je les revois. Je vois les bons vieux vignerons et les abeilles d'or qui volaient sur nos fronts, le verger plein d'oiseaux, de chansons, de murmures, les pêchers de la vigne avec leurs pêches mûres, et j'entends près de nous monter sur le coteau les joyeux aboiements de mon chien Callisto.